Chapitre 12e. Les deux partent sur la piste. Lorsque William F. Conney vit qu'il était trop tard pour s'élancer aux côtés de Ralph Duncan et foncer avec lui dans les rangs des Outlaws, il s'arrêta sur le champ. Il frappa légèrement la jambe de devant de son cheval gris, signe que cet intelligent animal comprit parfaitement, car il s'abattit sur le sol où il resta allongé tout à plat. Laissant là sa monture et notant exactement le chemin et la distance qu'il parcourait à partir de ce point, Buffalo Bill se glissa à la muette, avec de grandes précautions, jusqu'à la troupe des bandits qu'il contourna, de manière à les mettre entre lui et l'incendie. Dans cette position, il pouvait voir sans grand danger d'être vu. Tapis contre terre, il assistait à tout ce qui se passait. Il entendit le défi de Ralph et les horribles menaces de Mendez, le Mexicain. Il vit les deux adversaires, le pistolet en main, et le mouvement de ceux qui s'avançaient comme pour désarmer le boy. C'était le temps d'agir. Un moment de plus, il serait trop tard. Sans hésitation, il leva ses revolvers et fit feu des deux mains dans la direction du groupe qui se détachait nettement sur le fond rouge de l'incendie. Puis, il poussa un sifflement aigu suivi d'un cri. Le premier était un signal pour la Mustang gris d'argile et le second pour Ralph. Au coup de sifflet, le cheval bondit sur ses pieds et s'élança impétueusement vers son maître qui avait déjà tiré deux fois de plus dans la bande. Buffalo Bill mit vivement ses deux pistolets dans sa main gauche et jetant au moment précis son bras droit en travers de la selle, il s'enleva lestement d'un bond et se trouva assis de côté sur le dos de la bête qu'il poussa au galop pour attraper Ralph Duncan. Celui-ci, en effet, entendant les détonations et voyant les bandits tomber, avait aussitôt levé les mains, dit un mot à Fernel et prit du champ en faisant feu devant lui. C'était un jeu de fou ou de désespéré, mais il réussit, comme Buffalo Bill l'avait déjà réussi 100 fois de pareils coups d'audace. Quoique poursuivis par une vraie fusillade, les deux pardes s'échappèrent indemnes, renvoyant plus d'un coup meilleur que ceux qu'ils essuyaient. S'il leur avait plu de résister de pied ferme, ils en auraient tué 3 fois leur nombre et peut-être auraient-ils mis toute la bande en déroute, mais les risques étaient trop grands. Ils avaient une tâche à accomplir et pour le moment, ils cherchèrent leur salut dans la fuite. À cette allure d'ouragan, les deux pardes eurent bientôt laissé Mendez et ses hommes loin derrière eux. Le Mexicain, d'ailleurs, ne tenait pas à continuer la chasse, quelque féroce que fût la haine qu'il se sentait maintenant pour le boy. Il avait une autre besogne sur les bras, et il comprenait que sa vengeance devait attendre une saison plus propice. Ralliant ses hommes, il les conduisit aux ruines de l'hacienda, où il s'arrêta quelques instants, puis il partit sur la piste des Comanches. Comme les Outlaws s'éloignaient, arrivaient Buffalo Bill et Ralph. « C'est notre jeu de les suivre, jeune parde, » déclara le scout. « Je parierais ma vie qu'au bout de leur piste, nous trouverons Madge, et quand nous l'aurons trouvé... »« Eh bien, monsieur ?»« Eh bien, nous la prendrons par ruse, si nous pouvons, en donnant de bons coups s'il le faut. » Un sourire passa sur les traits de Ralph. Il ne dit rien, mais il connaissait que c'était là l'homme qu'il lui fallait pour camarade, quoi qu'il pût arriver. Cet homme avait traversé sain et sauf tant de dangers que, de sa part, pareille confiance ne semblait pas une bravade. En tout cas, il était prêt à aller jusqu'au bout de la piste sur laquelle il s'était mis. Il faut se souvenir d'une chose, mon garçon. Nous ne serons pas bien longtemps seuls sur cette piste. Les pâtres de Dennison viendront derrière nous et nous rencontrerons Harper Clyde quelque part. C'est juste, mais il faut être prêt à ne compter que sur nous-mêmes, en cas de besoin. J'ai grand peur que ce pauvre Clyde n'égrène plus jamais ses balles. S'il vit, c'est un tireur merveilleux. Ils se mirent donc en route de nouveau. Mais cette fois, ce n'était plus un galop direct et continu en avant, car il leur fallait surveiller attentivement les Outlaws de peur d'être attirés dans une embuscade. Heureusement, ils étaient certains que Mendez et ses hommes voulaient rattraper les pillards Comanches, et sachant à peu près le chemin que les Indiens prendraient pour leur retour chez eux, il leur était possible de se maintenir toujours à portée de fusil, tout en n'étant pas remarqués des bandits dont ils n'étaient pas forcés de suivre immédiatement le sillage. Ceux-ci ne paraissaient pas très pressés. Ils allaient au petit galop, faisaient halte de temps en temps, et avaient l'air de s'attendre à être rattrapés par quelqu'un qui n'était évidemment pas un ennemi. La journée s'avançait. Le crépuscule vint, la nuit tomba, les Outlaws allaient toujours sur le sentier, et toujours les deux amis se tenaient sur leur derrière. Plus d'une fois, ils rencontrèrent des signes laissés par les Comanches, ce qui leur donnait la certitude d'être dans le bon chemin. Une fois même, Ralph ramassa un morceau d'étoffe déchirée du vêtement de Madge, preuve certaine que la jeune fille était encore vivante et assez maîtresse d'elle-même pour employer ce vieux moyen d'encourager ceux qui vous cherchent. » Comme l'obscurité s'épaississait, le boy s'écria. « S'ils doivent se rejoindre, je suis sûr de deviner leur truc. Je parie 100 têtes de Comanche que je peux indiquer l'endroit. C'est un petit boucteau où il y a un torrent qui court droit au milieu et une demi-douzaine de sentiers dérobés qui vont aux collines, avec un bon pâturage pour les mustangs tout autour. S'ils s'arrêtent là, nous sommes très bien pour tenter le sauvetage. Oui, je connais l'emplacement. J'ai campé il y a 18 heures en allant Hard Times, dit Cody. Nous pourrons faire un effort pour sauver Madge. Mais Mrs. Dennison, pourrons-nous les enlever toutes les deux? Elles doublent nos mauvaises chances, à moins que nous ne réussissions à mettre la panique dans leur corral et nous emparer de 2 mustangs de choix à la faveur d'un stampede. Il n'y a rien à faire qu'à attendre une occasion de les emmener toutes deux. Ça viendra. Nous n'avons pour l'instant qu'à nous tenir quoi et à nous reposer. Quand les frelons rouges se poseront, j'irai reconnaître leur nid. Vigilant et défiant, ils firent halte, donnant ainsi à leur mustang une occasion de souffler et de manger, mais attendant impatiemment l'heure où ils pourraient s'avancer vers ce qu'ils supposaient être le camp combiné des Comanches et des bandits. L'un et l'autre, en effet, savaient bien que la bande d'El Culebra passait pour être liguée avec les peaux rouges des pampas et des terres sèches. Soudain, comme ils gardaient leur mustang en causant ensemble à voix basse, ils se dressèrent tous les deux d'un même mouvement, car ils entendaient dans le lointain des détonations d'armes à feu et, semblait-il, des cris farouches comme ils s'en élèvent des batailles. « Par le ciel, Ralph, nous avons cru l'histoire qui n'est pas vraie. Les voilà qui croisent leurs cornes avec les Comanches. Ils y vont de bon cœur, tête et sabots. À cheval, pendant qu'ils se battent, nous trouverons peut-être notre occasion au Bocto. » Ils resserrèrent hâtivement leurs sangles et sautèrent en selle. Puis, serrant les dents et se courbant sur leur cou de leur bête, ils volèrent sur la prairie vers le lieu de la bagarre.